Deuxième temps de notre semaine consacrée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en partenariat avec le numéro hors-série du Monde, consacré justement à ce monde qui sort de la guerre en 1945. Nous recevrons certains des historiens contributeurs de ce numéro jeudi et vendredi. Après l'entretien croisé que nous avons eu la chance d'avoir hier avec Beate et Serge Klarsfeld à l'occasion de la parution de leur mémoire, et avant demain de vous parler des dernières parties du territoire français libéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les poches de l'Atlantique comme on les a appelées, le documentaire de ce matin signé Catherine Decopé et Anne Fleury vous raconte l'histoire incroyable de ce qu'on a appelé les camps soviétiques en France, qui ont rassemblé de 100 à 120 000 personnes à la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, rassemblant des Russes, des Ukrainiens, des soviétiques en fait, afin de les renvoyer, parfois contre leur gré, en URSS. Ils ne sont pas tous partis, certains sont restés. C'est ce que raconte cette histoire avec les témoignages et les analyses d'historiens. Catherine Hervé-Dupuy, Catherine Gousseff, Vosevod Gousseff, Gisèle Kolesnik, Irène Kolesnik, Lucie Novitska ou encore Cheslava Koufran. Tout cela dans ce documentaire, Les camps soviétiques en France, les captifs de la libération, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire. Un documentaire signé Catherine Decopé et Anne Fleury. Cette situation ne pouvant pas durer éternellement, le 23 décembre 1944, nous nous sommes rendus au camp de Beauregard, près de Versailles. À notre arrivée, nous n'avons pas subi d'interrogatoire. Le chef d'état-major, Alikov, nous a indiqué les baraques où nous devions être logés, et se tournant vers moi, il a ordonné « Vous, camarade Kolesnik, vous serez affecté à la surveillance du camp. » Les camps soviétiques en France, les captifs de la libération. Dans le camp, il y avait une cantine. Il y avait aussi une sorte d'hôpital pour recevoir des soins divers. Une salle de réunion où l'administration du camp annonçait les nouvelles qui étaient le plus souvent de la propagande. Il y avait deux bunkers où l'on enfermait des prisonniers. Personne ne savait qui y était enfermé ni pour quelle raison. On ne se connaissait pas bien, mais chacun se tenait un peu à l'écart. Car une chose était sûre, les hommes du NKVD étaient infiltrés parmi nous, déguisés, l'air malheureux. Les gens essayaient de se divertir comme ils pouvaient. Beaucoup d'entre nous allaient se promener dans le parc de Versailles, qui se trouvait à 4 kilomètres. Nous pouvions circuler en dehors du camp de façon quasiment libre. À l'extérieur, on trouvait toujours des émigrés qui essayaient de lier connaissance, et souvent ceux qui avaient de la chance pouvaient trouver une façon de rester en France. Mais beaucoup d'entre nous avaient des attaches familiales en Union soviétique et avaient l'intention de retourner chez eux. Ivan Kolesnik, mémoire. Irène Kolesnik, vous êtes la fille de Gisèle et Ivan Kolesnik, l'une des filles. Est-ce que vous avez su ce qui se passait dans ce camp en termes plus quotidiens ? Jamais. Ça, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Non, pour lui, c'était un souvenir douloureux, il n'en parlait pas. Puis après, je vous dis, c'est ici, depuis quelques années, qu'il a commencé à nous parler. Mais il a commencé à faire ses mémoires, je pense, au moins 10 ans avant. Hein. Oui. 80 ans déjà. Alors vous avez fait le voyage vers l'Ukraine chez vos grands-parents ? Pour la première fois en 1966. On est partis tous ensemble et on a donc vu mes grands-parents, mes oncles et mes tantes. Mais c'est la seule fois. Et à cette époque, votre père ne craignait plus rien ? Non, parce qu'il était naturalisé. Il était français. Il est revenu en France en 1946 et il a été naturalisé 10 ans après, en 1956. Disons que les premières années de sa vie à Paris, il faisait très attention. Quand il travaillait à l'ambassade, c'était de nuit. Et il me disait souvent que quand il revenait le matin chez lui, il roulait au milieu de la route parce qu'il avait toujours peur. Parce que c'était infesté de soviétiques, de KGB, qui essayaient à toute force de rapatrier les Russes, de gré ou de force. 6h du matin, le camp russe de Beauregard s'éveille. 2000 prisonniers héliportés par les Allemands, hommes, femmes, enfants, soldats et partisans sont réunis dans ce camp, attendant l'heure du rapatriement. Ils n'ont pas encore retrouvé leur foyer, mais ils ont retrouvé la liberté et la vie s'organise joyeusement. Nous allons suivre ceux qui viennent de passer devant nous et pénétrer dans le réfectoire. Des serveurs circulent entre les tables, portant de grandes marmites fumantes où se trouve le borch national et la goulache. Tout cela répand une bonne odeur de cuisine d'une cuisine inconnue, mais d'un arôme appétissant. Nous nous installons au milieu d'eux, car ils nous ont très gentiment invités à partager les plats de leur pays. Ils sont passés inaperçus, ou presque, et pourtant ils étaient nombreux. En France, entre 1944 et 1947, entre 100 000 et 120 000 personnes ont transité dans ce qu'on a appelé les camps soviétiques. Nés en URSS ou dans les territoires progressivement annexés par le régime de Staline, ces milliers de personnes se sont retrouvées prises dans les mouvements de population de la Seconde Guerre mondiale, en particulier à la suite des premières victoires alliées et du reflux de l'armée allemande. Près de 130 camps verront le jour en France, et un peu plus tard, quelques-uns seront créés dans les zones contrôlées par les Français, en Autriche et en Allemagne, avec un objectif, rapatrier tous les ressortissants soviétiques dans leur pays. Impulsé dès 1944 par les autorités russes, qui s'appuient parfois sur des réseaux issus de la résistance, ces lieux de regroupement seront officialisés par un accord entre la France et l'URSS. Cette histoire porte en elle les germes de la guerre froide. Le sort des personnes rapatriées nourrira longtemps les fantasmes de l'anticommunisme. Peu d'historiens ont à ce jour exploré cet épisode de la libération. Hervé Dupuis est l'un de ceux-là. Il travaille en particulier sur la présence soviétique dans le Limousin. Alors, est-ce qu'on sait qui est à l'origine de la constitution, de la formation de ces camps qu'on appellera les camps soviétiques ? A priori, c'est les autorités soviétiques, parce que dès leur installation en France, fin septembre, début octobre, les personnes dans ma région qui sont chargées de regrouper les soviétiques sont allées chercher les directives à l'ambassade. Et elles y sont allées dès septembre 1944. Et on leur a demandé de faire retirer tous les soviétiques des formations FFI et de les regrouper dans des camps. À Limoges, il y a deux personnes qui ont été chargées de ça. Un responsable de la MOI, c'est-à-dire de la main-d'œuvre immigrée, c'est un ancien brigadiste d'origine roumaine, avec un autre personnage, un personnage un peu plus mystérieux, Jacques Pozolowski. Jacques Pozolowski, c'est un libraire-éditeur d'origine russe mais naturalisé français. Et tous les deux, ils sont en charge du regroupement des soviétiques. Et ils vont chercher leur directive à l'ambassade soviétique. Alors en Limousin, il y a eu 5 camps de soviétiques, 3 à la Libération, 1 à Saint-Junien, à 30 km de Limoges, 1 à Brive et 1 à Tulle. Ces camps-là regroupaient essentiellement des militaires soviétiques et celui de Saint-Junien accueillait quelques civils, femmes et enfants, qui avaient servi d'auxiliaires, infirmiers, pharmaciens, médecins, blanchisseuses, cantinières, etc. Et puis, en janvier 1945, 2 autres camps ont été constitués, à La Courtine en Creuse et à Bergerac en Dordogne. Et ces camps-là accueillaient des civils, quelques anciens prisonniers de guerre soviétiques, et c'était essentiellement des gens qui avaient été déportés, déplacés pour le travail forcé, en particulier dans l'est de la France. Parmi les témoins que vous avez rencontrés, soit physiquement, soit via les archives, est-ce qu'il y a un parcours que vous pourriez nous raconter, Hervé Dupuis ? Oui, il y a le parcours de Kazimierz Klimczuk, d'origine polonaise, galicienne, et qui avait intégré un groupe un peu indéterminé, mais on pense que c'était essentiellement des soviétiques qui avaient servi pour la Wehrmacht. Et ce groupe a été transféré de Pologne vers le Limousin, probablement dans un but de les faire participer à de la répression anti-maquis, mais dans un premier temps, ils ont été installés dans une caserne hôpital. Et lui n'était pas militaire, et il a été chargé, après le regroupement des ressortissants dans le camp de Saint-Junien, d'animer le groupe folklorique avec des habitantes de la ville de Saint-Junien. Et la veille du départ, il s'est échappé du camp, et il a pu changer d'identité, épouser une personne de Saint-Junien, et rester en France. C'était pas un camp quand même très étanche chez Saint-Junien, puisqu'on a quelques exemples de soviétiques de ce camp qui ont travaillé chez l'habitant ou qui avaient des contacts avec la population. On a quand même eu là-bas trois mariages de soviétiques et de femmes françaises. Vous l'avez rencontré ? Oui. Il est décédé depuis 3-4 ans. Comment cette personne a réussi à s'échapper à la veille du rapatriement ? Alors d'après elle, elle a eu, entre guillemets, l'autorisation du chef de camp qui a fermé les yeux sur son départ. Alors ça paraît un petit peu étonnant parce qu'en général les soviétiques étaient assez pointilleux sur le rapatriement de leurs ressortissants. Mais le fait est qu'il s'est quand même caché pendant un certain temps pour échapper à d'éventuelles recherches des autorités soviétiques. Autre parcours, autre histoire. Ivan Kolesnik est né en 1921 en Ukraine, alors que ce territoire s'apprête à intégrer l'Union soviétique. Incorporé dans l'armée rouge en septembre 1940, il parcourt des kilomètres avec son bataillon. En avril 1942, il est fait prisonnier par les Allemands près de Novgorod. C'est là qu'il intègre un bataillon de l'armée de libération de la Russie, la ROA, qu'on appellera bien plus tard Armée Vlassov, des bataillons russes anti-soviétiques. Un jour, les Allemands nous ont réunis dans la cour. Ils sont venus avec un interprète qui traduisait ce que disait un officier. Il a commencé par nous exposer les nouvelles du front pour ensuite passer sur les conditions politiques de la vie des citoyens de l'Union soviétique. Puis il a demandé s'il y avait parmi nous des volontaires pour l'armée allemande. Plus précisément, s'il y en avait qui désiraient combattre le joug communiste dans les rangs de l'armée allemande. On ne peut pas dire que les volontaires étaient légions, mais il y en avait un certain nombre. Et j'étais de ceux-là. Le jour même, on nous a emmenés en camion au village de Nikolaevka, près de la ville de Dno. Je ne me suis pas tout de suite rendu compte de tous ces changements. J'avais viré dans le camp adverse. Mais qu'est-ce que cela signifiait, les miens, l'ennemi? L'ennemi, je ne savais pas encore ce que ça voulait dire. Les miens, je savais qu'ils avaient fait souffrir ma famille, et je n'avais aucune confiance en eux. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi la liberté, quitte à mourir pour elle. Mais nous n'avions de toute façon pas vraiment d'autre choix. Il n'y avait pas de prisonniers pour Staline. Ceux qui avaient été entre les mains des Allemands étaient liquidés sans distinction. En définitive, le choix pour moi n'était pas si difficile. Le souvenir des famines artificielles était encore très vif dans ma tête. En 1943, le bataillon d'Ivan Kolesnik est envoyé en France avec pour objectif d'épauler l'occupant allemand. À l'annonce des premières difficultés rencontrées par l'armée allemande sur le sol français, Ivan rejoint avec quelques compagnons les rangs de la résistance pour sauver sa peau. Après quelques temps passés à Nevers, il décide de partir pour Paris. Vers la fin du mois d'octobre, avec mes nouveaux amis, j'ai pris le train qui nous menait vers Paris. L'un s'appelait Alexei et avait environ une quarantaine d'années. L'autre, je crois de nationalité kalmouk, avait environ 30-35 ans. À l'époque, tout le monde essayait de rompre avec les anciennes relations qui pouvaient nuire. On préférait fréquenter des gens qui ignoraient tout de notre passé. Tout le monde répétait la même litanie, qu'ils travaillaient chez un fermier, ou dans un camp, ou bien avec les résistants. Chacun adoptait la version qui lui semblait la plus adaptée aux situations et la plus apte à sauver sa tête. Quand nous avons quitté Nevers, nous étions tous en possession de certificats qui attestaient que nous étions avec les résistants. Pour tous les pays démocratiques, ces certificats faisaient de nous des héros. Pour les hommes du NKVD, que nous trouverons dans le camp de Beauregard, il en sera autrement. Ils nous ont tout simplement retiré nos certificats à notre arrivée. Ces certificats nous ont tout de même permis de brouiller les pistes. Chacun s'en tenait à sa propre histoire et évitait à tout prix de parler de sa présence dans les rangs de l'armée de libération de la Russie. Quel était le lien des soviétiques ou des personnes d'origine russe, voire d'origine slave, avec la résistance, en particulier dans le Limousin et Hervé Dupuis? Alors le lien, c'est que à partir de l'année 43, des légions nationales composées d'anciens prisonniers de guerre soviétiques, sous uniforme allemand, c'est-à-dire enrôlés par la Wehrmacht, ont été utilisées pour faire de la répression anti-maquis. Et une partie de ces soviétiques ont déserté et sont passés à la résistance et ont intégré soit les FTP, soit des maquis de l'armée secrète. En Limousin, on a comptabilisé à peu près 400 soviétiques qui ont rejoint comme ça les rangs de la résistance. Donc ça explique déjà qu'on ait autant de soviétiques pour constituer des camps de libération. Et puis éventuellement, leurs compagnons qui n'avaient pas déserté ont pu être capturés et à leur tour regroupés également dans les camps. Comment on fait le tri entre ces différents parcours individuels? Alors le tri, il est fait entre autres par les deux personnages que je vous ai cités tout à l'heure, Christescu et Pozolovski. Ils font des enquêtes sur les soviétiques récupérés et regroupés. Et parfois, ils en exécutent quelques-uns. On a l'exemple d'une quinzaine d'exécutions qui ont été faites dès fin août, début septembre 1944. Et les autres sont sous surveillance tant qu'on n'a pas vérifié leur parcours et leur collaboration plus ou moins poussée avec les Allemands. Ce que l'administration soviétique va reprocher éventuellement aux personnes regroupées dans les camps, c'est leur collaboration avec les Allemands ? Alors oui, et puis l'Union soviétique va aussi se méfier de l'ensemble de ses ressortissants parce qu'ils ont été en contact avec les Occidentaux. Parce qu'ils peuvent être potentiellement des espions au service ou des Français, ou des Britanniques, ou des Américains. Les Soviétiques qui passent par les camps de regroupement ne sont pas tous militaires ou anciens prisonniers de guerre. On y trouve également de nombreux civils, dont beaucoup ont été raflés par les Allemands pour être utilisés comme main-d'œuvre. C'est le cas de Lucie Novitska. Cette Russe a traversé l'Europe d'est en ouest. Elle raconte son arrestation en Union soviétique par l'occupant allemand en 1940. Vous avez été emmenée par les Allemands ? Oui. Très jeune ? Au début de la guerre. Avec votre famille ou vous êtes emmenée seule ? Non, c'était par hasard, vous savez. Parce qu'à Russie, les gens entre eux, ils ont coutume fêter des fêtes. À ce moment-là, c'était fête de printemps. On a décoré les maisons, vous savez, coupé les branches des bouleaux. Et puis, on mettait des fleurs qu'on faisait nous-mêmes avec du papier crépon, vous savez. Oh, c'était joli, hein. C'était la coutume là-bas. C'est ce jour-là que les Allemands sont venus vous chercher ? On nous a réveillés à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Tout le monde dehors, devant la maison. Hein. Dans les cours, quoi. Et ben, on était comme on était. Hein. Moi, j'avais ma petite chemise, vous savez, avec des bretelles, petites bretelles, là. Parce qu'on avait tellement chaud. Et puis, tout ça, dehors, tout. Et toute la famille. Hein. Et puis après, ils passaient et choisissaient les gens, comme ça. Toi. Alors, il fallait sortir. Et après, on nous a conduits jusqu'à la gare. C'était 4 km de chez nous, la gare. Et puis à la gare, elle n'avait plein de gens. Hein. Parce qu'eux, ils romançaient partout, hein. Surtout les jeunes, et on nous a transférés en Allemagne. Hein. Dans les wagons des bestioles, hein. Mais il avait la paille quand même. On est arrivé en Allemagne, c'était Magdebourg, c'était à côté de Berlin. Et c'est là que s'est commencé les obus. Les camps. Oui, les camps. Les petits camps. Hein. Des camps de civils. Hein. Est-ce que quand on vous a forcé à prendre le train pour l'Allemagne, on vous a dit quelque chose? On vous a dit non, où est-ce qu'on non, vous non, emmenait non, On non, vous a non, rien non. dit On nous a ramené entrer dans les wagons. On va faire des achats parce qu'il manquait beaucoup de choses à Russie. Hein. Au moment des communismes, c'était pas tellement marrant. Hein. Dans les journaux, partout, c'était formidable, Russie. Mais c'était pas ça, hein. Pas du tout. Hein. À Russie, à ce moment-là, c'était la misère. Donc vous vous êtes retrouvé en Allemagne C'était à Magdebourg. Hein. Mm. Quand on est sorti de Magdebourg, il y en avait des gens qui attendaient des jeunes comme ça pour prendre chez eux pour travailler. Mm. Hein? Ils venaient des paysans chercher des ouvriers, quoi. Hein? Ils choisissaient les filles comme ça et puis, tu vois, allez, viens. Donc vous avez travaillé pour des paysans allemands, c'est ça? Voilà, oui, au début, oui, c'est ça, à Magdebourg, oui. Oh, ne coucouchka, ne ramashka, mais je n'y verrai. Lucie Novitska rencontre dans l'une de ses fermes son futur mari, Boleslav, un Polonais utilisé aussi comme ouvrier agricole. Libérés par les Américains en 1944, ils sont emmenés avec d'autres civils à Verdun, où on les installe dans un camp sous administration américaine. C'est là que Lucie Novitska va changer de nationalité. Et alors quand vous vous êtes retrouvée En France, avec les Américains, on séparait les Russes, les Polonais et les différentes nationalités. Et alors, à ce moment-là, vous vous êtes retrouvés où ? Ben, justement, comme j'ai été hospitalisée, alors mon mari ne savait pas comment mettre pour moi. Il savait juste le nom et quel âge, et puis c'est tout. Alors, lui, il dit, mettez donc qu'elle était à Pologne. D'où ces faux papiers. Donc vous êtes devenue polonaise à ce moment-là. Voilà, polonaise. Est-ce que vous, Lucie Nowicka, vous aviez peur de retourner en Russie si vous disiez que vous étiez russe ? Si j'avais dit que je suis russe et puis tout ça, bien sûr, on m'a ramené dans les camps russes. Oui, oui. Quelle était votre vie ? C'était quoi le quotidien dans ces petits camps de civils organisés par les Américains ? C'était très difficile, c'était... Rien. On faisait rien. Mais vous aviez à manger, vous aviez... Ah si. Oui ? Nourrir, puis habiller, puis voyager aussi. À ça, on les a voyagés, les Américains. Il y a eu Verdun, la Bretagne, Cherbourg. Ouais. Et à chaque fois, c'était la même chose ou il y a un endroit dont vous vous souvenez un peu plus ? Attends, moi, je ne peux pas acheter des photographies. Vous avez des photos de cette époque ? Les baraquements, on était aux côtés des pères russes. Mais alors pourquoi les Américains, ils vous ont baladé comme ça sans arrêt ? Ils cherchaient les places pour placer les gens. Lucie Nowicka et son futur mari se fixeront finalement en France, dans le Loir-et-Cher. Un dénouement que Lucie Nowicka doit sans doute au fait d'avoir toujours caché qu'elle était née en Russie. Car théoriquement, elle était concernée par le rapatriement organisé à cette époque. Le retour dans leur patrie des ressortissants soviétiques est officialisé le 29 juin 1945 par un accord bilatéral avec la France, qui souhaite elle aussi récupérer ses citoyens dispersés pendant le conflit. Le texte entérine donc la réciprocité des rapatriements et accorde à chacune des parties le droit d'administrer de façon autonome le regroupement de leurs ressortissants. En France, les soviétiques n'hésiteront pas à faire intervenir le NKVD, la police politique. Pour la France, cette démarche s'inscrit dans une stratégie de rapprochement avec l'URSS, amorcée bien plus tôt. En décembre 1944, l'un des premiers voyages officiels du général de Gaulle comme chef du gouvernement provisoire de la République française se fait à Moscou. À Moscou, le corps diplomatique au grand complet vient accueillir le général de Gaulle et M. Georges Bidault, qui vont conclure le pacte d'alliance franco-soviétique, promesse d'une paix victorieuse et pour demain d'une vraie sécurité européenne. Le commissaire adjoint aux affaires étrangères, M. Dekhanossov, arrive à son tour. Puis M. Molotov, commissaire du peuple aux affaires étrangères, vient attendre les hommes d'État français sur le quai de la gare. Et c'est la première poignée de main officielle entre la France et l'URSS. Alors, en décembre 1944, le général de Gaulle se déplace à Moscou. Est-ce qu'on peut retracer finalement le pourquoi du futur, du gouvernement provisoire de la République française de servir, entre guillemets, les intérêts de l'Union soviétique à cette époque-là ? Alors, quand le général de Gaulle se rend à Moscou, il veut conclure un accord avec les soviétiques parce qu'il a des objectifs sur l'Allemagne, sur le devenir de l'Allemagne, qui sont différents de ceux des anglo-saxons. Et il espère trouver auprès de Staline, on va dire, une communauté de vues sur le sort qu'il réservait à l'Allemagne. En particulier, il voulait faire un statut spécial sur la Rhénanie, la Sarre, et continuer finalement à, entre guillemets, à faire payer aux Allemands les dommages et les dégâts qui avaient été causés en France. Et puis chercher aussi une alliance continentale pour éviter éventuellement que l'Allemagne redevienne un jour ou l'autre suffisamment puissante. Et puis, le gouvernement français avait aussi le souci de rapatrier les ressortissants français qui, eux, se trouvaient soit en zone soviétique, soit en territoire soviétique. Qu'est-ce que cet accord de réciprocité a de spécifique, Catherine Gousseff ? Alors, l'accord fait suite à un certain nombre d'accords cadres qui ont déjà été signés, en particulier de l'Union soviétique avec les États-Unis et avec la Grande-Bretagne. Et en fait, l'accord français se calque sur les accords qui ont été déjà passés par les autres alliés. Mais la différence de l'accord français, c'est qu'il est au fond beaucoup plus radical, dans la mesure où il précise bien que cet accord est basé sur le principe du rapatriement de tous les ressortissants de l'autre État. Ça signifie une chose très simple, c'est ça signifie qu'on n'admet pas aux individus leur droit de choisir de rentrer ou de rester en France. Et c'est finalement, évidemment, le problème majeur qui va se poser dans la mesure où un certain nombre d'anciens prisonniers de guerre feront tout pour ne pas rentrer en Union soviétique. Alors cet accord va consacrer une exception au droit français, c'est-à-dire que les ressortissants soviétiques qui ont commis des crimes sur le territoire national ne vont pas être jugés par des juridictions françaises. Donc ça, c'est une grande, on va dire, entorse au droit français. Et cette entorse, d'ailleurs, elle a été mise dans une annexe à l'accord. Elle n'a pas été mise dans l'accord principal, mais indiquée dans une annexe. Comment expliquer que la France va aussi loin dans cet accord avec l'Union soviétique ? Une première raison est une raison de contexte. La guerre vient de se terminer et c'est évident que pour les Alliés, il y a cet impératif absolu de remise en ordre qui suppose, a priori, le retour de chacun chez soi. Alors, là intervient effectivement un deuxième élément qui peut expliquer la position française, c'est le fait qu'en Union soviétique se trouvent beaucoup de Français en réalité. Alors, il y a beaucoup de Français qui à l'époque ne sont pas considérés comme étant des populations problématiques. Il s'agit en fait de tous les Français qui ont été libérés par les Soviétiques de camps allemands ou libérés de la captivité allemande d'une façon plus générale. À l'époque, on n'a pas encore d'estimation extrêmement précise de ce nombre, mais ce que l'on sait à la fin de l'année 45 ou dans le courant de l'année 45, c'est qu'il y a plus de 300 000 Français qui ont donc été libérés par les Soviétiques et qui vont progressivement pouvoir revenir en France. Et puis à côté donc de ces personnes-là, se trouve un groupe qui est lui considéré dès le départ comme un groupe très sensible, qui est un groupe de Français dits des malgré nous, essentiellement des Alsaciens-Lorrains, donc qui font partie de ces territoires qui ont été directement annexés par le Reich. Ils ont donc combattu dans les rangs de la Wehrmacht et la majorité d'entre eux ont été faits prisonniers, en particulier après la bataille de Stalingrad. Et l'une des grandes difficultés de ces Français d'Union soviétique, c'est qu'un certain nombre n'ont pas été reconnus comme tels. Les Alsaciens-Lorrains ont été faits prisonniers avec l'armée allemande, en uniforme allemand, très souvent les armes à la main. Colonel Raymond Marquier, chef de la mission française en Union soviétique, le 8 juin 1946. Ils ne parlent pas très bien le français et leurs noms sont absolument identiques aux noms allemands. Ils ont donc subi les premières semaines et quelquefois les premiers mois le sort des Allemands. Il fallait avant tout que l'opinion publique soviétique soit au courant de cette question. La presse soviétique a été mise à notre disposition et à l'heure actuelle, tout le monde en URSS connaît le problème alsacien-lorrain. D'autre part, il fallait doter chaque camp de prisonniers d'un moyen de déterminer la véracité des déclarations de ceux qui se disaient alsaciens-lorrains, car près de 80% des Allemands désirent ainsi se faire libérer. Le ministère des anciens combattants a fait imprimer dans les trois départements d'Alsace-Lorraine des répertoires où sont portés tous ceux de nos compatriotes d'Alsace-Lorraine non encore rentrés à ce jour. Ces répertoires ont été diffusés dans près de 800 camps, traduits en langue russe, et l'on peut immédiatement déterminer la qualité de celui qui s'en réclame. Est-ce que vous pourriez faire le comparatif entre les moyens qui étaient déployés par les autorités soviétiques en France pour rapatrier les leurs et les moyens développés en URSS pour rapatrier les Français ? Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les deux missions de rapatriement ? Absolument pas. On ne peut pas faire le parallèle parce que les Soviétiques ont bénéficié en France de toute latitude d'action. Ils ont fait absolument ce qu'ils ont voulu à l'intérieur de ces camps. Autrement dit, la mission militaire soviétique en France a pu agir effectivement selon les textes de l'accord, ce qui n'a pas été le cas des Français, de la mission française en URSS, qui, il faut le rappeler, a toujours été une mission, au point de vue de l'équipe, une mission assez réduite, Et pour cause, puisque de toute façon, cette mission pouvait très peu se déplacer. Il y a eu quelques visites de camps qui ont été autorisées, mais pour l'essentiel, cette mission française n'a bénéficié que de quelques interlocuteurs à l'échelle des militaires ou du ministère des Affaires étrangères soviétiques, et n'a pu donc qu'être en contact très indirect avec les prisonniers de guerre français. Hervé Dupuis, l'administration soviétique cherchait aussi à mettre la main sur des Géorgiens ou des Ukrainiens qui auraient pu avoir une velléité d'indépendance une fois retournés au pays, c'est bien cela ? On s'aperçoit à la lecture des archives que les Soviétiques ont essayé de récupérer des Ukrainiens, des Polonais, des Tchèques, qui faisaient partie des provinces nouvellement annexées par l'URSS et qui parfois étaient installés en France, bien avant le déclenchement de la guerre. Et on a des recherches faites par les autorités et les militaires soviétiques dans les mines françaises. Et puis les autorités soviétiques savent aussi qu'une partie des Ukrainiens qui se trouvaient en France, éventuellement sous uniforme allemand, quand ils ont déserté, sont passés à la résistance, ont rejoint la Légion étrangère pour se dissimuler aux yeux des militaires soviétiques qui pouvaient les rechercher. Et les autorités soviétiques sont allées faire des recherches jusqu'en Afrique du Nord et jusqu'en Indochine. Le général de Gaulle, tant qu'il a été au pouvoir, s'est opposé à ces recherches, en particulier en Indochine. Mais dès qu'il a quitté le pouvoir, les visas ont été accordés aux militaires soviétiques et ils sont allés jusqu'en Indochine essayer de récupérer dans la Légion étrangère des Ukrainiens qui n'étaient pas forcément des soviétiques. Direction générale de la Sûreté nationale. Le 20 juillet 1945. Objet, au sujet de l'activité dans la région parisienne de la police soviétique. On constate depuis quelque temps dans la région parisienne une recrudescence d'activité des services du NKVD. C'est ainsi que la semaine dernière, une perquisition a été effectuée par plusieurs officiers et soldats de ce service à l'asile de vieillards émigrés russes de Sainte-Geneviève-des-Bois. Les fonctionnaires qui ont effectué cette opération se seraient montrés assez rigoureux, interpellant tous les pensionnaires, y compris les enfants qui se trouvent dans cet asile, transformés en partie en colonies de vacances. Le prétexte de cette opération aurait été, d'après les dires, l'évasion de plusieurs prisonniers soviétiques en instance de rapatriement du camp de Beauregard, qui auraient pu se réfugier dans les bâtiments de cette œuvre sociale. D'autre part, plusieurs policiers soviétiques se sont présentés il y a quelques jours au restaurant arménien Sophie, rue du Somrar, où ils ont effectué une enquête sur le compte d'un ressortissant russe qui a fréquenté cet établissement. Les émigrés russes de la capitale commentent avec inquiétude ces événements et certains d'entre eux envisagent même de changer de domicile afin d'éviter d'être victimes de tels procédés. D'autant qu'ils disent ne pas pouvoir, en cas d'arrestation, faire appel à la police française, laquelle, d'après eux, aurait refusé d'intervenir lors d'opérations de ce genre. Malgré ces craintes, la communauté russe déjà installée en France sera cependant peu concernée par le rapatriement. Zevolod Gousev fait partie de l'une de ces familles d'émigrés, arrivées dans les années 20. À partir de 1940, septembre 1940, votre famille est à Paris. Est à Paris, oui, sauf pendant l'été où on va se ravitailler quand même un petit peu. Et donc c'est là que vous rencontrez beaucoup de Russes ou de Soviétiques qui ont traversé l'Europe ou qui ont été prisonniers. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces personnages ? Ah oui. Nous, en tant que jeunes, on traînait un peu partout. On a rencontré pas mal de gens qui étaient même sous uniforme allemand. Parce que c'était les unités de Vlassov. Et c'était quoi leur parcours ? C'était un peu tout ce que vous voulez. Vous, en tout cas, ce que vous avez vu à Paris, c'est que finalement, il y avait une solidarité entre Russes à ce moment-là. Oui. Cette communauté nationale russe était parfois plus forte que le distinguo soviétique-non-soviétique à cette période-là. Oui, c'est-à-dire que je vous dis, il n'y avait pas de barrière entre nous par rapport à tous ces soviétiques. La première réaction, on se retrouve. Surtout quand vous avez affaire à des gens qui parlent russe comme eux. Il y avait un lieu de rencontre qui était l'église russe. Là-bas, les gens, qu'ils soient croyants ou pas croyants, ils se retrouvaient là-bas. Et donc, il y a un garçon qu'on avait connu, je ne me rappelle plus comment exactement, qui avait été prisonnier de guerre. Donc prisonnier de guerre des Allemands ? Des Allemands, oui, libéré après la libération. Donc, en instance de rapatriement, et finalement, il ne voulait pas tellement partir. Alors, on avait été à la gare de l'Est, et puis on est parti en courant. Alors, quand vous dites « on », c'était vous et qui ? Moi, d'autres camarades, des Russes d'ici. De toute façon, à partir du moment où on était donc des Russes blancs, on était considérés comme des mauvais. Ça, c'était quand même assez clair. Ah ben, bien sûr. Il y a des gens qui sont partis, mais pas de rapatriement forcé, il n'y en a pas eu. À partir du moment où les Soviétiques étaient sur le territoire français à la fin de la guerre, ça n'a pas déclenché de crainte particulière dans cette communauté ? Non, parce qu'on était quand même en France. Ils n'étaient pas tout à fait chez eux. La communauté russe en France était assez organisée. Il faut dire aussi, préciser aussi qu'elle était assez divisée dans cette époque-là. Parce que un certain nombre de Russes ont quand même été extrêmement impressionnés par le rôle de l'Union soviétique dans la libération de l'Europe. Et ont été tentés par un rapprochement avec l'Union soviétique, d'autant plus qu'en 1946, Staline a décrété une amnistie à l'égard de ces anciens émigrés russes. Alors entre le désir de retour et la réalité, ça c'est encore deux choses très différentes, mais disons que ce désir de retour a aussi été reçu par l'autre partie de l'émigration comme étant comme un facteur qui était non seulement très, très négatif, mais aussi de trahison. Est-ce qu'on sait si l'émigration russe d'avant la Seconde Guerre mondiale a aidé ces réfractaires au retour, Catherine Gousseff ? On connaît certaines initiatives. Hein. Après, il est difficile de pouvoir apprécier leur étendue, leur efficacité, mais qu'il y ait eu des initiatives, oui, bien sûr, il y en a eu un certain nombre, comme par exemple au sein de la CIMAD. Trois femmes se lèvent maintenant pour nous donner un chant nostalgique, écouté religieusement par tous. Quand est-ce que vous avez entendu parler du camp de Beauregard, Sévolod Gousseff ? Bon, ben, en 44. C'était un camp de regroupement en vue de rapatrier les gens en Union soviétique. Il y avait de tout, donc beaucoup de familles, et c'est en fait ces gens-là que les gens d'ici allaient retrouver. Vous m'aviez dit que votre tante avait un lien avec... Non, mais elle avait un lien, elle l'a eu. Elle est allée là-bas en 45 ou en 46, quand tout le monde y allait. Pour aider sans doute des familles. Oui. Au camp de Beauregard, près de Versailles, on rassemble des Russes, hommes et femmes, que les Allemands avaient fait prisonniers ou déportés et qui ont réussi à fuir. Enfin, ils ont retrouvé la paix et le repos. Les femmes retrouvent des travaux de femmes et, bien entendu, puisqu'il s'agit de Russes, on chante et on danse. Gisèle Kolesnik, quand vous rencontrez votre mari Jean ou Ivan Kolesnik, vous savez qu'il est hébergé dans un camp en région parisienne ? Non, je ne savais absolument rien. C'est après, en sortant ensemble, il m'a raconté sa vie. C'est comme ça que j'ai su d'où il venait. Un jour, il vous apprend qu'il va être rapatrié en Union soviétique ? Oui. Il vient vous voir, et là, c'est votre mère qui vous encourage à vous marier avec lui ? Oui, exactement, c'est ça, oui, oui. Elle n'avait pas peur que vous alliez en Union soviétique ? Non, non, parce qu'elle était un peu pro... comment ? Elle était idéaliste, comme beaucoup de jeunes dans ce temps-là. Elle croyait au paradis russe. Elle était communiste. Elle était, oui, communiste en plus. Alors, Ivan Kolesnik vous amène avec lui au camp de Beauregard avant de prendre le train. Oui, c'était très surveillé. Les gens, pour rien au monde, n'auraient parlé, hein. Vous avez patienté longtemps dans le camp avant de prendre le train ? Quelques jours, il me semble. Pas plus, oui. Après, on a pris le train et puis on est parti. J'étais jeune. Ça me semblait normal. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Qu'est-ce que votre mari vous dit par rapport à ce qui vous attend ? Donc, ben, il ne m'a rien dit. C'est en arrivant, j'ai vu comment ça se passait. L'arrêt suivant dura plusieurs jours. Mais cette fois-ci, nous sommes restés dans le train. C'est à ce moment-là que nous avons entendu le chef du wagon, ivre mort, crier que nous verrions comment nous serions accueillis. Qu'on nous apprendrait à nous, bande de traîtres, comment il faut travailler. Un tas de jurons accompagnaient ses paroles. Après cet incident, nous ne l'avons plus jamais revu. Mais cela a produit un effet très négatif sur nous tous. Chemin faisant, nous avons fait la connaissance d'autres couples mixtes qui étaient dans ce train. Les étrangers, qui avaient encore peut-être quelques illusions sur la vie en Union soviétique, se rendaient de plus en plus à l'évidence. Et vous arrivez d'abord à Kiev ? On arrive à Kiev, et puis ensuite on est allé dans sa famille. Ils étaient surpris de retrouver leur fils ? Ah oui, oui, ils ne pensaient pas le retrouver même. Ils n'avaient pas eu de nouvelles depuis tellement longtemps, ils pensaient peut-être qu'il était mort et tout, alors quand ils l'ont vu, pour eux, ça a été une secousse terrible, hein, de bonheur. Enfin, je me souviens d'une chose, c'est que chez eux, il n'y avait pas grand-chose à manger. C'était la pauvreté, hein, comme dans beaucoup de familles. À leur arrivée sur le sol soviétique, Gisèle et Ivan Kolesnik prendront rapidement la décision de revenir s'installer en France. Gisèle sera rapatriée grâce à l'ambassade française. Ivan réussira à la rejoindre en France par ses propres moyens, quelques mois plus tard, clandestinement et sous une fausse identité. Est-ce qu'on sait combien ont été finalement rapatriés et ce qui leur est arrivé une fois rentrés en Union soviétique, Hervé Dupuis ? Alors la grande majorité a été rapatriée, à part quelques évasions, quelques-uns qui ont réussi à sortir des camps. Cette grande majorité est passée par des camps de filtrage à leur arrivée dans la zone soviétique. La majorité des civils qui ne s'étaient pas compromis avec les Allemands, qui étaient essentiellement des déplacés obligatoires, a pu rentrer dans ces foyers. Les militaires ont été envoyés dans des bataillons de l'armée rouge, des bataillons de travail forcé sur des constructions. Et puis les plus compromis sont partis dans des camps spéciaux, équivalents un petit peu à ceux du goulag. Et certains ont pu être condamnés à des peines allant de 15 à 20 ans de prison. Mais a priori, c'était la minorité. Et contrairement à ce qui était dit, la grande majorité n'a pas été fusillée ou expédiée au goulag de façon définitive. Je pense que la raison principale, c'était que l'URSS avait eu des pertes très importantes, puisqu'on les évalue à 20-25 millions pendant la Seconde Guerre mondiale, et que donc ils avaient besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays. La grande difficulté, c'est d'arriver à apprécier justement dans quelle mesure on peut assimiler cette mobilisation à de la répression ou pas. Parce que parfois, ils ont pu être mobilisés pour des travaux d'intérêt généraux, dans ce sens-là, pas forcément stigmatisés en tant que tels, mais en revanche, se retrouver dans des lieux, dans des conditions de vie et des conditions de travail telles que eux ont pu le ressentir vraiment comme étant une forme de répression ou de stigmatisation. À partir de quel moment, Catherine Gousseff, la question des rapatriements va devenir problématique ? Sur le fond, on peut considérer qu'elle est problématique dès le début, puisque dès le début, il y a des gens qui s'opposent à l'idée de revenir. Mais de toute façon, vu l'ampleur des populations qui sont concernées par ces questions de rapatriement, on a eu plutôt tendance à mettre de côté, ou ne pas entendre, mais aussi mettre de côté des groupes qui, dans un premier temps, ne voulaient pas rentrer. Et puis, progressivement, s'est imposé avec toujours plus de force ces fameux réfractaires au retour, parmi lesquels des gens qui avaient développé tout un argumentaire parfaitement justifiable, en particulier chez les Baltes, les Ukrainiens de l'Ouest, à savoir qu'au fond, ils allaient revenir dans un pays qui n'était plus le leur, puisque ces pays avaient été entre-temps annexés par l'Union soviétique. Donc leur argument était de dire « Pourquoi devrions-nous rentrer dans notre pays que nous ne reconnaissons plus comme étant le nôtre, puisque ce pays est devenu partie intégrante de l'Union soviétique ?» Et donc il y a autour de ces questions-là notamment déjà des premières grandes tensions qui s'inscrivent aussi dans toute une discussion interalliée sur la question de savoir ce qu'est un réfugié. De leur côté, pour le camp soviétique, ne pourraient être reconnus comme réfugiés que des gens victimes du fascisme ou du nazisme. Tous les autres, ceux qui ne veulent pas rentrer, doivent être au contraire plutôt considérés comme des collaborateurs en puissance qui risquent d'être jugés à leur retour. Mais à partir du moment où en février 1946, l'ONU reconnaît officiellement le droit des individus à ne pas être rapatriés de force en Union soviétique, eh bien, la voie est ouverte aux plus grandes dissensions. Et c'est là que les soviétiques dénoncent le non-respect des accords passés et où cette question des réfractaires au retour acquiert une dimension politique de premier plan. Le commandant du camp, jeune homme de 27 ans, aux yeux clairs, au visage fier et loyal, arrive avec sa guitare. La France se retrouve progressivement tiraillée entre sa tolérance vis-à-vis de l'activité des autorités russes sur son sol, en vertu de l'accord de réciprocité, et la volonté de protéger les réfractaires au retour. Les archives du ministère des Affaires étrangères attestent de cette position dès l'automne 1945, en particulier pour les ressortissants dont la nationalité soviétique est difficile à prouver. Un entre-deux qui s'achèvera en 1947. Alors, qu'est-ce qui a changé entre 1944 et 1947 pour que finalement le gouvernement français décide d'investir ce camp de Beauregard, Hervé Dupuis ? Jusqu'en 1947, les communistes participent au gouvernement. Et en particulier, Laurent Casanova est le ministre des prisonniers déportés et réfugiés qui s'occupe des camps de regroupement soviétique. Donc ce qui va fondamentalement changer en 1947, c'est le départ, l'éviction de ces ministres communistes du gouvernement. Et à partir de là, Paul Ramadier et ses ministres radicaux socialistes vont donner le feu vert à la Sûreté nationale pour investir le camp. Alors le prétexte avancé, parce qu'il fallait un prétexte officiel pour pouvoir légitimer cette action, c'était qu'un Français d'origine russe, installé en France dans l'entre-deux-guerres, avait vu sa femme partir avec ses trois enfants et rejoindre le camp de Beauregard en vue de se faire rapatrier en URSS avec ses trois enfants. Mais les trois enfants étaient français. C'était la famille Spetchinsky. Le père a obtenu un jugement du tribunal de Nice, lui accordant la garde. Et à partir de là, les autorités françaises se sont lancées à la recherche de ces enfants qui ont finalement été repérés comme étant au camp de Beauregard avec leur mère. Et la police française, les autorités françaises ont utilisé le prétexte de récupérer ces trois enfants pour investir le camp. Mais en fait, on recherchait des dépôts d'armes éventuels et des traces de l'action subversive des soviétiques en France. Qu'ont découvert les autorités françaises à Beauregard ? Alors, elles ont découvert quelques armes, beaucoup moins qu'elles ne l'imaginaient ou qu'elles ne l'espéraient. Cette opération a été suivie quelques semaines après de l'expulsion d'une vingtaine de soviétiques liés à l'ambassade ou à la mission militaire. Donc ça a permis aussi d'expulser ces personnes qui étaient réputées participer à de la subversion sur le territoire français. À ce stade, la France avait récupéré la plupart de ses ressortissants déplacés en Union soviétique ou à l'Est ? Oui, en 1947, la grande majorité était revenue en France. Alors c'est vrai qu'il en restait encore quelques-uns, mais ces quelques-uns qui pouvaient encore rester, a priori ne justifiaient plus aux yeux du gouvernement français de tolérer cette ingérence soviétique sur son sol. Sans cesse, le gouvernement français a demandé au gouvernement de l'URSS l'application de l'accord du 29 juin, et plus précisément la stricte réciprocité des avantages consentis aux missions soviétiques. François Mitterrand, ministre des Anciens Combattants, le 12 décembre 1947. Il y a quelques semaines encore, lorsqu'il fut avéré que le camp de Beauregard était utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait été installé, lorsqu'il fut prouvé que des officiers de la mission de rapatriement soviétique dépassaient les limites du mandat administratif auquel ils étaient tenus, le gouvernement français a indiqué que s'il ordonnait l'expulsion d'agents indésirables, il tenait à ce que ceux-ci fussent remplacés sans délai dans leurs fonctions par de nouveaux délégués. Vis-à-vis de tous, la France a tenu constamment sa parole. La victoire de la liberté, la victoire des démocraties ne peut avoir de sens que si, après tant de malheurs causés par la barbarie, arrive enfin le temps où la parole des hommes et des peuples aura retrouvé son exacte valeur. Et alors, qui a pris ces photos dans les fermes? C'est mon mari qui faisait ça à cachet. En cachette? Parce que, oui. Ça, c'est vous? Oui. Ça, c'est les deux Russes, vous voyez. Ça, c'est dans un camp? Ça, c'est oui. Dans un camp, oui. Et je faisais des plastiques. Des petites crêpes aux pommes de terre. Ah oui. Des petites crêpes aux pommes de terre. Et là, on vous voit dans un champ? Oui. Avec votre mari? Ça, c'est en Bretagne, ça, déjà. En Bretagne. Oui. Mm. La colza, c'était joli. C'était... Tout jaune? Oui. Merci à Hervé Dupuis, Catherine Gousseff, Zévolod Gousseff, Gisèle Kolesnik, Irène Gers Kolesnik, Lucie Novitska et sa fille Czeslava Koufran. Merci également à Alain Blum, Juliette Denis, Raphaël Flichmann, Nathalie Moine, Anastasia Pavlova, Marie Ségalène, Jasmine Tillam, Jackie Tronel, Vanessa Voisin, Michel Yachvili, Larissa Zakharova. Et un merci tout particulier à Olivia et Vladimir Tsepourjinski. Lecture, Christophe Brault. Archives, Aurélie Marsay, Yves Gaillard. Prise de son, Nicolas Mathias, Dofar Guérine. Mixage, Bruno Mourlan. Les camps soviétiques en France, les captifs de la libération. Un documentaire de Catherine de Coppet et Anne Fleury. Et merci à Catherine de Coppet et Anne Fleury de nous avoir fait découvrir cette histoire assez peu connue des camps soviétiques en France, ainsi qu'à Lina pour les formidables archives sur le camp de Beauregard, ainsi que cette déclaration de 1947 de François Mitterrand, ministre des Anciens Combattants. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 3 ans après sa diffusion, la télécharger dans l'année qui suit et également laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez également nous suivre sur le réseau Twitter. Demain, nous continuons cette semaine consacrée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en nous interrogeant sur les poches de l'Atlantique, ces derniers endroits libérés du territoire français.